Thank you. You're listening Radio Pulsar 95.9. This is Danger and Cuts Reboot Chaosmic Hyperdance Holiday Session. The last show before the end by Nitram the Metronome. Enjoy the fucking hypermix. It's the most beautiful, ugly sound in the world. It's the most beautiful, ugly sound in the world. Danger and cuts. Oh, Danger and Cuts. Vous êtes sur Pulsar, le soir, comme par hasard. Vous écoutez Nitrome de Métronome aux Machines pour un hyper mix de musique de film. It's the most beautiful, ugly sound. J'avais raccroché ce téléphone. Et ensuite, je montrerai à tous ces gens ce que vous voulez pas qu'ils voient. Je leur ferai voir un monde sans vie. Un monde sans loi ni contrôle, sans limite ni frontière. Un monde où tout est possible. Ce que nous en ferons. Danger and Cuts. Out. Staring at a mirror. mirror of myself. All I see is someone else. Call my name and ask for help. Whoa.